Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 11 mai 2021. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. Les grands titres. Les travaux des sociétés d'exploitation des mines et carrières ont été suspendus et la révision du code minier est en cours. Vous aurez des précisions sur les explications du Premier ministre. Une amende de 10 000 francs burundais a été infligée à une quinzaine de personnes dans deux quartiers du chef-lieu de la province Ngozi pour non-respect des mesures barrières contre la Covid-19. Notre correspondant est en ligne, il nous le dira. Et nous sommes le 11 mai, cette date rappelle la mort de Bob Marley. Le roi du reggae et les artistes burundais lui rendent moi hommage à travers un spectacle qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux de notre station. Et dans la chronique santé comme tous les mardis, aujourd'hui nous évoquons le traitement de l'hémophilie avec Dr Stanislas Nyabenda. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le président de la République du Burundi entame ce mardi une visite officielle de 3 jours en Ouganda. Selon un communiqué du bureau chargé de l'information et des communications à la présidence de la République, Evariste Ndayishimiye, accompagné de la première dame, vont prendre part aux cérémonies d'investiture du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, nouvellement réélu. Une personne est morte la nuit dernière des suites d'une déflagration de grenades à Rugoma sur la colline Chunyu en commune d'Ouganda de la province Chibitoke. Niyimbona Jackson a été atteint par cet engin lancé par quelqu'un qui les attendait chez eux quand il rentrait avec son père. Selon des sources administratives locales, c'est son père qui était visé parce qu'il est soupçonné d'être un empoisonneur. Nahira Jacques-Claude, le chef de la colline Chunyu, précise qu'une personne a déjà été appréhendée par la police pour enquête. Je venais de vous le dire dans les titres, 16 personnes accusées de non-respect des mesures barrières contre la Covid-19 mises en place par le gouvernement ont été frappées d'une amende de 10 000 francs burundais chacun. C'était ce lundi dans deux quartiers du chef-lieu de la province Ngozi. Les responsables administratifs et sanitaires dénoncent un grand relâchement de la part de la population en ce qui est du respect de ces mesures. L'administrateur de la commune Ngozi envisage plus d'efforts dans la sensibilisation de la population et même le renforcement des sanctions au récalcitrant. Apollinaire Muzagara est en ligne. Ces personnes frappées d'une amende sont les détentrices des espaces fréquentés par pas mal de gens. Personnes sanctionnées par manque d'eau dans les seaux ou du save. Ces 16 personnes des quartiers Rouillé et Chikiro ont dû payer 160 000 francs bourse ce lundi. Une somme versée au trésor communal. L'administrateur de la commune Ngozi et le directeur de l'hôpital de référence d'Ngozi ne veulent pas en dire beaucoup à propos de la situation actuelle de cette pandémie en Ngozi, mais les deux autorités s'accordent à dire qu'il y a trop de relâchement de la population à respecter les mesures barrières à la COVID-19. Selon les deux autorités, la population ne cesse de se serrer la main et se lave très rarement, même à l'entrée de l'hôpital et autres endroits publics. Malgré ce relâchement, des informations émanant des différents quartiers de la ville d'Ngozi font état de bon nombre de ménages confinés actuels. Il y a même, selon les mêmes sources, certains du personnel de l'hôpital autonome d'Ngozi, une dizaine, testés positifs au COVID-19 ces jours. Docteur Guillaume Naokuri Diayo, directeur de cet hôpital, et Joseph Martin Buchumi demandent à la population plus de sérieux quant au respect de ces mesures anti-Covid afin de freiner sa propagation. L'administrateur de la commune Ngozi compte même doubler les sanctions en vue de contraindre la population au respect de ces mesures. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et les parcelles non encore bâties au quartier Kigoma du chef-lieu de la commune Karusi sont à réattribuer aux nouveaux acquéreurs capables de les mettre en valeur. Cela est dit par l'autorité provinciale qui signale qu'elle a déjà exprimé ce souhait au ministère ayant l'urbanisme dans ses attributions. Le gouverneur explique que ces parcelles vides se trouvant dans ce site, viabilisées depuis une dizaine d'années, handicapent le développement, l'assainissement et la visibilité du centre provincial de Karusi. Blaise Pascal Kararumiye. Pour ce quartier Kigoma du chef-lieu de la province Karusi, 312 parcelles ont été attribuées aux acquéreurs et seulement environ 200 parcelles se trouvent bâties, comme l'indique le chef de l'antenne provinciale de l'urbanisme et de l'habitat. Cela est ainsi alors que la viabilisation de ce dernier date d'une dizaine d'années. Ingénieur Victor Ndikumasabo signale qu'il y a déjà 2 ans que le ministre de tutelle ayant l'urbanisme dans ses attributions a déjà ordonné une mise en demeure aux acquéreurs défaillants. Dans cette ordonnance du 28 décembre 2012, du 28 décembre 2018, ses attributaires avaient 2 mois, le mois de janvier et le mois de février 2019, pour débuter les travaux de mise en valeur de ces parcelles leur attribuées. Ce responsable provincial de l'urbanisme déplore que très peu d'acquéreurs ont pu répondre à l'avertissement du ministre. Le gouverneur Kalinimba Rushimana a informé dans une réunion avec les cadres natifs de la province sur la question du développement de la province qu'elle a déjà saisi le ministre concerné pour son souhait de réattribuer ces parcelles non encore bâties dans ce quartier aux nouveaux acquéreurs qui sont capables de les mettre en valeur dans les délais prévus par la loi. Le gouverneur explique que ces parcelles non bâties constituent déjà un obstacle au développement de la province quant à la sécurité et à l'assainissement du chef-lieu de la province. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Infrastructure toujours, un retour sur Bujumbura et c'est pour évoquer le délabrement de certaines routes en mauvais état à cause des nids de poules et des eaux stagnantes. Cette situation ne facilite pas le déplacement des personnes. Véhicules et motos s'en trouvent endommagés. Les usagers de ces routes demandent à l'État de les réhabiliter. C'est un reportage de Jean-Marie Mayong. La route appelée boulevard du lieutenant général Adolphe Nshimirimana, connue sous la route de Mutakura Kinama, est en mauvais état jusqu'à Kinama. Cette route est remplie de nids de poules. Même situation à la route passant à Kinama jusqu'à Ave Maria dans la zone de Kamenge. Les usagers de ces routes disent qu'ils ne sont pas facilités dans le transport car leurs véhicules sont endommagés. La route est devenue impraticable. Nos véhicules tombent en panne de temps en temps. Nous achetons les lames à tout moment. Les clients disent qu'ils arrivent avec retard à leur service. Ils demandent à l'État de tout faire pour la réhabilitation de ces routes. Nous demandons qu'on réhabilite cette route et boucher tous les nids de poules pour que nos véhicules ne soient plus endommagés. La situation se présente ainsi alors qu'il n'y a pas plusieurs jours, l'association Atrabo avait tenté de boucher ces nids de poules, mais la route reste toujours impraticable. Environnement à présent, le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Gitega demande à ceux qui coupent les arbres utilisés pour l'échafaudage dans les chantiers de construction de ne pas pratiquer la coupe rase, mais la coupe sélective. C'est au moment où ceux qui coupent les eucalyptus utilisés pour l'échafaudage vont en augmentant dans la province de Gitega. Ceux qui coupent ces arbres disent qu'ils le font en suivant les normes tout en demandant d'être approvisionnés en pépinières pour pouvoir remplacer ceux qu'ils ont coupés. Arthur Kavarouchi. Ces arbres qui sont coupés et qui sont vendus par la suite, ceux qui les coupent disent qu'ils le font en respectant les normes. Nous les coupons en suivant les règles, c'est-à-dire que nous avons une façon de nous organiser en plantant toujours des arbres sur les collines pour que ceux qui sont coupés soient remplacés par ceux qui sont en train de pousser. Cependant, ils demandent d'être appuyés en pépinière de remplacement de ceux qui sont coupés étant donné que ceux qui sont coupés dépassent largement ceux qu'ils plantent. Nous demandons qu'une association nous appuie en nous donnant un capital car notre engagement est de couper un arbre et en planter 5. Nous nous heurtons à un manque de moyens pour pouvoir planter plus d'arbres proportionnellement à ce que nous coupons. Le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Gitega, Tungimana Jean-Marie, indique que là où il les autorise la coupe, cette coupe doit être sélective. Vous voyez que dans le de Gitega, il y a autant de constructions qui nécessitent des échafaudages. Donc, et nous avons reçu beaucoup de demandes de coupes ici et là. Et ces coupes sont autorisées. Seulement, nous les demandons de pratiquer la coupe sélective, c'est-à-dire de ne pas pratiquer cette coupe rase. Hatungimana Jean-Marie lance un appel aux administratifs et riverains de nouvelles routes macadamisées de protéger les arbres qui ont été plantés par les projets qui ont réhabilité ces routes car une fois ces arbres coupés, ces routes seraient menacées d'extinction. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Sanganiro. La suite de ce journal à 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. Les travaux des sociétés d'exploitation des mines et carrières ont été suspendus comme annoncé par le gouvernement burundais. présentant les réalisations semestrielles de 15 ministères du gouvernement exercice 2020-2021, c'était le 15 avril dernier. Le Premier ministre a expliqué qu'elle ne versait pas au trésor public les redevances exigées. Actuellement, c'est le processus de révision du code minier qui est en cours. Elie Nibel, Nibigira. Les sociétés minières au Burundi sont originaires de différents pays et n'ont pas commencé la même année des activités d'exploitation minière. Par exemple, Burundi Mining Metallurgy International exploite le nickel à Musongati en province de Rutana depuis 2014. La société britannique Rainbow Mining Burundi exploite les terres rares à Gakara. Tanganyika Gold a commencé l'exploitation de l'or à Mabayi de la province de Chibitoke en 2017. Tantalum Mining Company Taminko en sigle, exploite le coltan et Casterite à Kabarore et Murehe, ainsi que Nega Mining Burundi, une société russe qui exploite le coltan et d'autres minerais associés à Nega de la province de Kirundo depuis le 3 mars 2020. Le 15 avril dernier, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a annoncé que les sociétés minières ont été mises en demeure. Il a donné l'exemple de Rainbow Burundi qui devrait verser dans les caisses de l'État 500 000 dollars américains et cela mensuellement avant le partage des recettes. Lorsqu'on est allé exiger des recettes minières à Gakara, par exemple, après 4 ans, ils nous ont répondu qu'ils s'étaient trompés au niveau des méthodes et qu'ils ne trouvaient rien comme minerai, alors qu'ils devraient payer les redevances annuelles au moins 500 000 dollars avant de partager les revenus issus de la vente. En attendant leurs explications, nous les avons suspendus. Ce sont des mesures fortes, mais qui devraient être prises par l'État. Actuellement, c'est la recherche d'autres minerais qui continue. L'exemple est la descente du directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, le CIME à Rugombo, qui montre l'existence de pouzzérane utilisée dans la fabrication du ciment. Autre chose, comme transparaît sur le site de cet office, c'est la retraite de 6 jours débutée le 12 avril à Wanga de la province de Kayanza sur la révision du code minier et ses textes d'application. Selon le ministère de l'Énergie et des Mines, 11 points ont été proposés visant la révision des textes miniers, dont la renégociation des contrats qui lient les sociétés minières et l'État burundais. Merci Elie Nibel, Ni Ibigira. Le temps insuffisant pour préparer l'équipe nationale féminine de football qui va bientôt participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et le manque de matchs amicaux. Voilà certains défis auxquels les Inhamba Murugamba féminines font face alors qu'il ne reste qu'environ 30 jours pour affronter l'Érythrée. Malgré cela, Daniela Niyibimenya, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de football, fait savoir qu'elle va compter sur l'expérience de ses joueuses pour franchir le premier tour. Suivez-la. Comment on va préparer? Je dirais que pour nous, ce n'est pas difficile parce qu'il y a peu de temps, mais c'est ça l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose que des clubs. Les clubs, vous avez du temps, mais l'équipe nationale, on a besoin des automatismes seulement. Sinon, le temps nous fait défaut. Et aussi, il y a des joueuses qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas encore venu. Mais il y a d'autres qui sont ici, pour le moment, qui ne jouent pas parce que le championnat est terminé. Peut-être ça fait 2, 3, 4 mois. Quels sont les autres défis? En fait, les autres défis, c'est que, je vous ai dit premièrement, il y a le temps. Il y a les entraînements qu'on va cibler. On ne va pas tout donner parce qu'on n'aura pas le temps. Troisièmement, on ne va pas jouer des matchs amicaux. Des fois, on jouait avec des équipes féminines ou bien des équipes masculines de 3e division. Mais pour le moment, on va voir quelle est l'équipe qui va nous aider à voir si ce qu'on a travaillé, ces joueuses les ont accueillis. Daniela Niyibimenya, un mot pour les supporters de l'équipe nationale. J'aimerais que les fans viennent nous soutenir parce que nous sommes les enfants du pays, on joue pour le pays et eux aussi, leur force nous pousse à arriver loin. C'était Daniela Niyibimenya, sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de football. 40 ans après la mort du roi du reggae Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, il reste vivant à travers sa musique et surtout ses messages. Des artistes burundais comme Vichou du groupe Peace and Love s'en inspirent en invitant les Burundais en général et les artistes burundais en particulier à bien écouter le message de Bob Marley basé sur la paix, l'amour, la tolérance et la justice. Christian Savier. Rastaman Vibration Positive. Le roi du reggae, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est resté vivant à travers sa musique. Chaque année, des millions d'amoureux du style reggae et de la musique en général se rassemblent en interprétant ces morceaux qui véhiculent des messages basés sur l'amour du prochain, l'unité, la réconciliation, la lutte contre l'oppression et l'exploitation. Burundi, les jeunes en général, les artistes et musiciens en particulier, interprètent la musique de Bob Marley dans des concerts live. Vichou du groupe Peace and Love est parmi eux. Il nous parle de l'utilité du message de Bob Marley aux Burundais en général et aux artistes et musiciens en particulier. Un bon artiste doit laisser de traces. Le message de Bob Marley est très utile d'abord à nous les artistes burundais car ça constitue une source d'inspiration pour nos compositions. Bob Marley a même parvenu à réconcilier deux opposants politiques dans son pays. Son message était basé sur l'amour, la paix et la réconciliation. Il a même chanté à travers ses deux chansons comme Africa United et One Love. Abantu bakaba umwe urukundo rumwe One Love kugira akunda kubivuga abantu bakaba bamwe muri rusange. Vous saurez que ce 11 mai, une multitude de spectacles est organisée sur toi Bujumbura et dans la ville de Gitega. Christian Xavier vient de le dire, un spectacle animé par certains artistes de Bujumbura est organisé à l'occasion de cette commémoration de la date du 11 mai et une retransmission en direct sera faite sur les réseaux sociaux et plateformes de notre station, c'est-à-dire Facebook et YouTube. Ce sera à 19h, heure de Bujumbura. Et les fans du rastafarisme de la ville de Gitega ne sont pas en reste. Ils sont convaincus que l'héritage principal de cette légende de la musique, c'est l'amour du prochain, la paix. Et cet anniversaire a été pour eux une occasion d'aller assister à en vivre les prisonniers les plus nécessiteux de la prison centrale de Gitega. Une courte pause et c'est pour annoncer la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Le traitement de l'hémophilie se fait à vie, selon les informations fournies par Dr Nyabenda Stanislas, spécialiste en médecine transfusionnelle. Lors de notre précédente chronique, nous vous avions dit qu'elle est une maladie héréditaire liée au chromosome X, due à l'absence ou au déficit d'un facteur de la coagulation. Dans ce cas, selon toujours Dr Nyabenda, le meilleur moyen de se prévenir contre la maladie, c'est d'éviter les mariages consanguins. Ornella Mucho. Une fois que les symptômes montrent que la personne est hémophile, en présence de produits, de traitements et des soins appropriés, les personnes atteintes de cette maladie peuvent vivre une vie saine. Docteur Stanislas Nyabenda, spécialiste en médecine transfusionnelle, précise qu'au Burundi, le patient doit faire des commandes à l'étranger. Le traitement, c'est un traitement à vie, parce que la personne doit dépendre des produits sanguins, qui sont le facteur 8 ou le facteur 9 en fonction du déficit. Donc la personne doit vivre au dépend de ces facteurs de coagulation. Donc ce sont des produits sanguins qui sont distingués du sang qu'on transfuse, mais ce sont des produits stables qu'on fabrique à partir du plasma et on extrait le facteur 8 et on le concentre pour être donné aux malades. Ici au Burundi, même dans les médicaments qui sont importés, il n'y a pas les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation ne sont pas dedans parmi la liste. Même les parents qui ont des enfants, ils doivent faire des commandes à l'étranger. Même pour le diagnostic, le dosage biologique n'est pas facilement accessible ici chez nous. Parfois, on doit aller ailleurs pour faire le diagnostic, ce qui n'est pas souvent facile pour les parents. Sans traitement ou traitement tardif, l'hémophilie entraîne des douleurs incapacitantes et ou des dommages graves aux articulations. Les conséquences de la maladie, c'est l'invalidité. La personne qui est malade devient parfois invalide. Donc ça, c'est une conséquence physique au niveau articulaire. Donc c'est de cette déformation articulaire. Et la personne qui est malade va être invalide. Et son invalidité va aussi affecter au niveau du point de vue socio-économique, la famille. Du point de vue toujours sanitaire, il y a des infections à répétition. Donc, dans ces hématomes peuvent se surinfecter et la personne peut développer des abcès vraiment profonds au niveau des muscles. Il y a également ce qu'on appelle amyotrophie, donc les muscles vont s'atrophier. Donc il y a de ces saignements à l'intérieur des muscles, les muscles vont vraiment être détruits. Selon ce spécialiste, les centres de recherche devraient créer un laboratoire pour le dosage de ce facteur. Donc les centres de recherche tels que les hôpitaux universitaires devraient développer un laboratoire pour le dosage de ce facteur. Cette maladie peut être prévenue en faisant le dépistage prénuptial des couples pour savoir si réellement leur carte génétique, il n'y a pas vraiment ce facteur, donc ce chromosome qui n'a pas ce gène codant pour le facteur 8. Donc la consanguinité, c'est un facteur qui augmente le risque. Si vous venez d'une même descendance, le risque est grand d'avoir le chromosome X porteur. Ce qui est arrivé dans une famille, là où les familles royales, vous savez que les princes se marient avec les princesses et parfois c'est souvent la même origine. L'origine royale, ce sont les mêmes personnes. Et à ce moment, ils ont ce problème de consanguinité. Et si dans la famille, il y avait des porteurs, ils vont avoir des enfants malades. Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, l'hémophilie touche environ 4000 personnes à travers le monde. Merci Ornella Mucho. Merci docteur Stanislas Nyabinda pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal messier. À vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo. Au micro, Jean Bosco Douiman a passé un très bon après-midi.